avec tout le monde, seul et qu'on se mette à l'écart. Pas d'ambiance Metallica, pas même de chiffres à l'égard. On se met à l'écart, des regards qui nous cassent, on est des smicards en route pour le RSA. Mais je n'oublie pas de jambes écartées, donc écarte-toi de ma route si t'es juste là pour jacter. Ah, l'époque où les schnecks se prennent pour des Hilton, les Hilton, pour des icônes, les icônes, pour des toxicoja. Rive en force avec un putain de bête de flow MC. Travaille ton stylo avant de prendre le micro, car dès 2011 on vient remettre les pendules à l'heure. On vient donner de la chaleur pour le hip-hop, de la valeur. A tout à l'heure, t'es pas de la partie, tu passes en train un peu. Mon rap ne plaît pas à tout le monde comme les propos de donner Dieu. Les Dovacha restent dans la ch**, ils sont pas faits pour la musique. T'as peut-être les narines en or, mais tes oreilles sont en plastique. Tu craques sous la pression, mec, tu jactes. Mais t'as pas de con, je m'adresse à ces MC qui se branlent sans avoir de jus. Que les mic brandent du rap, écoute bien ma diction. Ce mouvement n'est pas un jeu, avant tout c'est une bonne leçon. Une bonne leçon de hip-hop à faire tourner dans ta vague. Oulette, dans la roulette, je me suis refrain, me passe à date. Pour moi, je frappe fort, le beat et le battement. Nous devons maintenant, sans blanche, on ne peut pas me réussir sur tranchant.